qui est le plan général en trois sections qu'on a définies comme étant, la première étant l'autorité individuelle. Donc, il s'agit de reconnaître que c'est moi, en tant qu'individu, qui est l'autorité et qui doit faire les choix en conséquence pour avoir le monde que je veux avoir. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Et donc, la première, évidemment, reconnaître que le monde est comme il est par nos choix. Donc, c'est entendu qu'on a des choix actifs et des choix passifs. Donc, comme on a dit, nous sommes responsables de l'état du monde dans la mesure où nous aurions pu faire des choix qui auraient fait en sorte que le monde aurait été dans une autre situation différente. Et dans cette mesure-là, dans la mesure où on aurait pu faire des choix différents qui auraient donné des résultats différents, dans cette mesure-là, nous sommes responsables de l'état du monde. Donc, c'est la première étape, reconnaître notre responsabilité et par conséquent, imbriquer dans le même concept notre pouvoir. Donc, c'est ça, l'autorité, c'est une des parties du pouvoir, comme on a dit, c'est celle qui consiste à décider, donc en faisant des choix. Donc, il s'agit évidemment de faire des choix individuels pour passer à la seconde étape qui est l'autorité collective. Donc, quels sont les choix que les individus, les citoyens doivent faire pour que collectivement nous puissions exercer notre autorité, c'est-à-dire notre capacité de prendre des décisions collectivement? Et parce que c'est par les décisions, évidemment, qu'on crée la réalité. Et en créant, en contrôlant, en accédant au règne du processus décisionnel de l'autorité de la collectivité, à ce moment-là, on va pouvoir contrôler ce que nous créons et évidemment créer la civilisation, la société que nous voulons, qui est la troisième étape, donc la création collective. Et quelle est cette société, cette nouvelle civilisation-là? Bien, qu'on a choisi pour l'instant de nommer le paradis sur Terre. Eh bien, c'est le monde, donc c'est le paradis sur Terre par définition. Il y a deux aspects. L'aspect positif, donc c'est la société, la civilisation que nous voulons, donc que les êtres humains, la majorité du moins, veulent, qui est sensiblement la même chose. À peu près tout le monde veut, même si on a des différences, on veut sensiblement toutes la même chose. Donc c'est l'aspect positif de l'objectif. Mais le plus important, qui crée l'urgence, c'est l'aspect négatif. Donc c'est un monde que nous voulons dénuer des choses inacceptables. Donc ça, c'est des choses inacceptables, communément reconnues comme étant inacceptables. Donc il y en a beaucoup. Et donc, l'idée, c'est plutôt que de chercher, comme on fait de maintenant et depuis fort longtemps, de régler les problèmes à la carte, entre guillemets. Donc un problème, s'occuper d'une cause en particulier, qui est extrêmement important que nous le fassions. Je prends toujours la cause de la faim dans le monde et c'est important de tout faire maintenant pour tenter de le régler, sauf que ça ne fonctionne pas. Les problèmes sont toujours là. Même après tout ce temps et toute cette technologie-là, nous ne sommes toujours pas capables de nourrir nos enfants. Donc, il y a des millions d'enfants qui meurent à chaque année, ce qui est inacceptable, bien entendu, parce qu'il ne manque certainement pas de nourriture. Il ne manque pas d'espace non plus pour des milliards et des dizaines de milliards de personnes. C'est complètement ridicule d'avoir comme stratégie de réduire la population. Le problème, ce n'est pas qu'il y a trop de monde. Nous ne sommes pas capables de les nourrir et les stratégies que nous utilisons ne fonctionnent pas. Donc, cette stratégie-là que je propose, en ayant le contrôle de la création collective, nous allons pouvoir créer un monde où ces choses inacceptables-là ne sont pas. Et cette société, à notre mesure, selon nos valeurs, se viendra prendre la place. Donc, du fait qu'on crée une société où les problèmes, ces choses inacceptables-là ne sont pas, on règle du coup les problèmes. Et ça sera beaucoup plus facile à faire, même si ce ne sera pas nécessairement facile, mais ça le sera puisque on peut difficilement régler un problème individuellement sans tenir compte des autres aspects de la réalité. Et c'est ce qui effectivement bloque souvent les avancées, les changements profonds, parce que si on veut des changements à un niveau, et donc ça l'affecte les autres aspects. On donne souvent l'exemple l'environnement versus l'économie ou la finance. Donc, les environnementalistes, disons, on peut appeler ça comme ça, préconisent ou souhaitent certains changements, mais ça affecte l'économie et la finance. Et si on n'effectue pas des changements à ces niveaux-là, à ce moment-là, il y a de la résistance et en fait, c'est carrément impossible parce qu'on a beau vouloir réduire ou même éliminer la consommation. La consommation est là parce qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler, donc parce qu'ils ont besoin de salaire, ont besoin d'argent pour vivre dans le système comme il est en ce moment. Donc, ce qui fait que ça change pas parce qu'on considère seulement un aspect ou des fois on peut en considérer deux, trois, mais l'idée, c'est vraiment de complètement tout reconsidérer et nous voir comme étant les créateurs, les responsables, et comprendre comment nous créons collectivement pour se réapproprier ce pouvoir-là, cette autorité-là. Et donc, on a décrit quel était le passage obligé pour aller du première étape de l'autorité individuelle à l'autorité collective. Et ce passage-là, c'est évidemment l'unité, qui est extrêmement difficile. Et donc, on va aujourd'hui en parler évidemment un peu, mais je me propose sur quoi je vais m'attarder pour commencer aujourd'hui, c'est un peu suite à mes observations de la situation, comme nous sommes dans une situation particulière, donc la pandémie actuelle. J'observe des comportements chez mes concitoyens que j'avais déjà observés, mais qui sont exacerbés justement parce que vu la situation. Donc, on voit vraiment une division qui se présente, qui était là avant, au niveau notamment des complots. Donc, ce qu'on appelle en français les complots, en anglais les conspirations. Donc, je vais parler un peu de ça. Mais, pour commencer, je vais parler un petit peu de l'unité avant une première pause musicale. Donc, un petit texte que j'ai écrit, que j'ai placé sur Facebook aujourd'hui, donc qui résume un peu l'importance de l'unité et qu'est-ce que ce n'est pas surtout. Donc, c'est notre tâche, dans le projet qu'on se donne ici, de créer le paradis sur Terre, c'est bien, aussi la tâche de toute l'humanité, c'est de faire advenir, de créer une nouvelle civilisation. Et pour cela, nous devons accéder à notre autorité collective. Et ça passe par l'unité. Et l'unité deviendra la base de notre organisation collective. Et l'unité, c'est pas tous d'accord, c'est pas tous être pareil. Ce n'est pas tous ensemble, être ensemble pour. Ce n'est pas être tous ensemble contre. Ce n'est pas être tous ensemble derrière un gourou, un leader, etc. C'est être tous ensemble, point. Donc, personne n'a besoin de changer, de devenir, entre guillemets, une meilleure personne ou d'être mieux informé. Évidemment, ces choses-là, ça n'empêche pas que vous pouvez devenir, on peut devenir une meilleure personne et vouloir le devenir. Mais ce n'est pas ça la stratégie pour créer la nouvelle civilisation. C'est extrêmement important, c'est fondamental comme concept. Et même, je travaille à écrire un livre qui va pour exposer mon plan pour créer le paradis sur Terre. Et le titre, justement, c'est « Être un saint n'est pas suffisant ». Et ça fait référence à ce concept-là où on a comme stratégie à mieux informer les gens, à les rendre meilleurs pour éventuellement avoir un monde meilleur. Et je crois que c'est une mauvaise stratégie et ça ne fonctionnera pas. Nous sommes, non pas que nous ne devons pas chercher à devenir meilleurs, mais je suis convaincu que nous sommes tous suffisamment bons, suffisamment informés, comme nous sommes maintenant, pour créer le paradis sur Terre. On a déjà tous les outils, on n'a pas à devenir des saints. C'est ça le concept, le titre du livre aussi. Donc, nous n'avons pas à combattre aussi un ennemi. Souvenez-vous que l'art de la guerre, c'est la tromperie. Donc, c'est sûr qu'il y a un ennemi, mais on ne va pas le combattre en le combattant, de peur de devenir comme lui. Comme j'avais expliqué le rapport de force, les trois éléments du rapport de force, l'intelligence, la motivation et le degré de méchanceté. Donc, on ne peut pas rapporter ce rapport de force-là. On ne peut pas devenir ceux qui décident parce que pour cela, on faudrait devenir plus méchant que plus méchant et ce n'est pas la voie que nous voulons choisir. Donc, on va remporter le rapport de force, le transcendant, via l'unité. Donc, comment on va combattre l'ennemi? On le combat en créant un monde où il n'est pas. Nous ne pouvons pas empêcher aucun être de faire ses choix, mais nous pouvons faire les nôtres et créer la civilisation que nous voulons. Donc, c'est la vision, générale, mais quand même assez... C'est les concepts fondamentaux qu'il faut comprendre, selon moi, pour que ça fonctionne. Sinon, si on continue avec des fausses stratégies, on se fait tromper et ça ne fonctionnera pas. Finalement, si ça fonctionne, tant mieux si je me trompe, mais moi, c'est ça que je vois pour l'instant. Et donc, je vais revenir avec plus d'approfondissement après une courte pause que voici. De retour à comment créer le paradis sur terre. Et donc, allons-y. Nous sommes en guerre. Donc, c'est une guerre spirituelle. C'est écrit dans la Bible. Nos ennemis, ce sont les principautés, les dominations. Vous connaissez certainement cette parabole ou ce passage biblique. Donc, les complots, ce à quoi on fait référence, ceux qui s'intéressent à la chose, ce sont en réalité la synagogue de Satan sur la terre. Donc, tu es ouvert à la chose ou bien tu ne l'es pas. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Ce que j'observe, c'est qu'il y a des degrés d'ouverture. Mais être ouvert jusqu'à un certain point ou ne pas l'être du tout, c'est quoi vraiment la différence? OK, avant les événements de la pandémie qu'on vit en ce moment, je croyais qu'il y avait, il y avait une division. Il y avait ceux qui étaient ouverts et ceux qui ne l'étaient pas. Et parmi ceux qui l'étaient, il y avait différentes positions. C'est ce que je voyais. Mais avec la situation qui exacerbe, vraiment, qui amplifie les choses, on voit plus clairement. Donc, il y en a qui sont ouverts jusqu'à un certain point, mais ça ne fait pas une grosse différence entre ceux qui ne le sont pas du tout. Parce que, OK, d'accord, on peut être ouvert, mais si on arrive, par exemple, avec des certaines questions, par exemple, celle qui revient le plus souvent, c'est les reptiles, eh bien là, à ce moment-là, tu n'es plus ouvert, tu ne veux pas aller plus loin que ça. Mais c'est pas une question de croyance ou de choix. C'est tu veux savoir la vérité, tu es ouvert. Tu cherches, tu observes ce que tu trouves. Et donc, tu ne commences pas à faire du cherry picking et mettre de côté ce qui ne fait pas ton affaire. Ou bien tu laisses faire, ou autrement dit, tu n'es pas ouvert. Donc, c'est pas grave. On n'est pas une mauvaise personne si on est un côté ou de l'autre. C'est juste une question si tu es ouvert au complot ou si tu ne l'es pas. Donc, comme j'ai dit, le but et la stratégie pour notre projet, c'est l'unité. Donc, c'est pas que tous soient d'accord. Donc, on cherche pas à convaincre ou à ce que tous viennent dans notre camp. Mais ce que j'observe depuis un certain temps, c'est qu'il y a une division. Il y a ceux, évidemment ceux qui sont ouverts et ceux qui ne le sont pas. Donc, évidemment, ceux qui ne le sont pas sont beaucoup plus nombreux. Et aussi, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas de conversion. Évidemment, les uns traitent les autres de pas réveiller, de toutes sortes d'autres noms, et tentent et croient que lorsque tous seront rendus de leur bord, ça va aller mieux. Donc, en tout cas, c'est ce que j'en déduis. Sinon, c'est quoi cette quête à vouloir ce qu'on sache et qu'on voit le complot ou ce qu'on arrête d'en parler? Donc, ceux qui reçoivent l'information, d'après moi, sont déjà ouverts jusqu'à un certain point et les autres la rejettent complètement. Et donc, on peut se demander c'est quoi le plan dans cette situation-là. Est-ce qu'on pense que quand il y en aura plus qui vont être au courant, ça va régler la situation? Aujourd'hui, j'ai vu une infographie qui résume bien cette position-là stratégique et qui disait qu'il y avait 1% qui contrôlait, 4% qui travaillaient pour ceux qui contrôlaient, 90% qui étaient endormis et 5% qui étaient réveillés. Et évidemment, ceux qui proposaient ce graphique-là ils se considéraient comme étant ceux qui étaient évidemment réveillés, qui cherchaient à informer les autres. Et donc, et ce que ça disait, c'est que le 1% ne voulait pas que le 5% réveille les 90%. Donc, selon cette perspective-là, la stratégie consisterait à réveiller le 90%. Et donc, le combat se trouverait à ce niveau-là. Et c'est ce que, comme j'ai dit tantôt, on sait que l'art de la guerre, c'est le fameux livre sur l'art de la guerre qui se résume en une phrase là, qui résume la stratégie fondamentale, c'est la tromperie. En anglais, c'est deception. Donc, l'ennemi est très, très rusé. Donc, pour faire à croire que le combat se situe à ce niveau-là, c'est ma perspective, c'est que toutes les censures, les résistances pour pas que l'information supposément sorte, même l'arrestation de certaines personnes qui ont des points de vue divergents, comme on a entendu dernièrement en Allemagne, ça s'est produit, des médecins qui avaient des opinions divergentes sur la situation de la pandémie, se sont fait arrêter et mis en asile, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment ça la guerre ou le combat? Je ne le crois pas. Donc, la censure, la pression qui est faite envers ceux qui voudraient alerter les autres, c'est pour nous faire croire que le combat se situe à ce niveau-là, et je crois que c'est une tromperie. Parce que, de toute façon, c'est clair qu'il n'y a pas de conversion, donc l'information est là. Donc, si les gens ne le savent pas déjà, c'est qu'ils ils ne veulent pas le savoir, ne sont pas ouverts à le savoir, et je ne crois pas que ce soit si dramatique que ça, et peut-être même que il y a une raison derrière ça. Parce que, même si les uns disent que les autres sont idiots et endormis, je ne crois pas que ce soit effectivement le cas. Il y a peut-être certaines personnes, mais en général, là, les gens sont bien intentionnés, sont ouverts, intelligents. Et donc, la raison pour laquelle certains sont ouverts ou pas, je ne sais pas c'est laquelle, mais peut-être que c'est mieux comme ça. Donc, c'est pour ça que je ne décourage pas personne à penser ce qu'il veut, à faire ce qu'il veut. S'il veut communiquer ou chercher à informer les autres, je ne décourage pas personne à faire quoi que ce soit. Mais je ne crois pas que ce soit la voie pour sortir du marasme. Donc, j'en reviens toujours au principe de base, au passage obligé, qu'est l'unité. Donc, l'unité, comme on a dit tantôt, c'est pas tous être d'accord et tous être pareil. Donc, on n'a pas besoin d'être d'accord, on n'a pas besoin de savoir tout à propos des complots. C'est peut-être mieux comme ça, parce que si on était ouvert et conscient, peut-être que ça créerait une confrontation, dans la mesure où, évidemment, ceux derrière les complots existent. Ce que beaucoup ne croient pas. Donc, mais si il advenait qu'il y avait une confrontation, peut-être que ce ne serait pas la meilleure solution. ça ne serait pas un résultat souhaitable. Et de toute façon, comme je vais expliquer, ça ne changerait pas parce que la solution, ce n'est pas de combattre l'ennemi, c'est que nous soyons capables et en mesure aptes à créer le monde. Et donc, on a un travail à faire au niveau ensemble, au niveau de comment on s'organise. Donc, quand bien même on enlèverait des problèmes extérieurs, on va, supposons qu'ils seraient enlevés d'une manière ou d'une autre, de façon divine. Nous les recréerions de par le fait que nous ne sommes pas capables de vivre ensemble, tout simplement. C'est comme ça qu'on, si je peux le résumer. Mais je comprends bien l'intention de ceux qui veulent que tous sachent, soient informés, parce que dans le fond, ce serait une forme d'unité. Ce serait tous ensemble contre, disons, les conspirateurs, si on peut les appeler comme ça. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas, premièrement, il n'y a pas de conversion. Et le message ne passe pas. Et même s'il passerait, on ne pourrait pas les combattre parce que ce ne sont pas des êtres humains. C'est ça la vérité. Comme c'est écrit dans la Bible, c'est un combat contre des êtres spirituels. Et nous n'avons pas la force humainement de les combattre. Ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous pouvons faire à notre niveau, au niveau humain, de créer d'abord le monde que nous voulons. Et évidemment, avec l'aide du ciel, les choses pourront se régler mais avec l'aide du ciel, mais comme on a dit l'adage, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc on pourrait dire « aidons-nous collectivement à créer le paradis sur terre et le ciel va nous aider et nous débarrasser du diable ». Je résumerai ça comme ça. Ensuite, je dirais qu'il y a un autre problème avec cette approche-là, c'est qu'on considère quelque chose d'autre que nous-mêmes qui est d'être responsable de notre situation, les conditions de notre civilisation. Donc, c'est du bouc émissarisme. Nous sommes responsables. C'est notre pouvoir. Et si nous ne sommes pas capables de nous l'approprier pour orienter les choses dans la direction que nous voulons, ben il y a juste nous à blâmer. Donc, c'est à nous à nous organiser pour y arriver. Et c'est ça le but de ce projet-là, bâtir un plan pour créer la nouvelle civilisation. Et ça commence par la pleine prise de responsabilité, 100%. Comme dans une relation, chaque membre, c'est ce que les spécialistes disent, chaque membre, pour que ça fonctionne, chaque membre doit prendre 100% de la responsabilité du succès de la relation. Mais je dirais la même chose par rapport au succès de l'humanité. Chaque citoyen doit prendre 100% la responsabilité du succès planétaire. Donc c'est... Et ça, c'est incompatible avec la victimite ou le piégnage contre les complots, les riches, les gouvernements ou n'importe quel autre bouc émissaire qu'on voudrait choisir. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est créer notre autorité collective et l'utiliser pour accomplir notre vision commune qui est le paradis sur Terre. Donc, je le nomme comme ça, évidemment. Si on décide de choisir une autre expression, il n'y aurait pas de problème. Mais l'important, comme on l'a dit, c'est de distinguer de changer le monde ou un monde meilleur. Donc, évidemment qu'on veut créer le monde meilleur, on veut changer le monde, mais ce n'est pas assez précis. C'est un objectif, donc c'est quelque chose de concret avec un plan et il faut voir des avancées. Il faut aussi reconnaître les autres stratégies qui ne fonctionnent pas pour choisir qu'est-ce qui fonctionne. Et ça passe, et comme on l'a dit, par l'unité. Et donc, je le répète, on n'a pas besoin de tout savoir sur qui contrôle ce monde et tout le tralala. Oui, ça peut être intéressant, mais si c'est ça notre plan, si c'est là-dessus que repose notre espoir d'arriver à créer un monde meilleur, eh bien, c'est une erreur. En tout cas, moi, j'y crois pas et je ne vois pas du tout de voie de sortie en empruntant cette stratégie-là. Ça donne à quoi de se rassembler quelques personnes pour protester, manifester, dénoncer? On peut se demander, c'est quoi le plan? Comment on va faire pour créer un monde meilleur? Comment on va faire pour qu'il n'y ait plus toutes ces choses inacceptables? Comme on a dit tantôt, l'injustice, la misère, la faim, les meurtres, les suicides, les maladies, l'esclavage et toutes les mafiosies de tout acabit. L'esclavage, soit-il en pensant que nous vivons ici au niveau financier et économique. Nous sommes dans une société, le système financier fait que nous sommes dans l'esclavage. C'est plus l'esclavage comme il y avait avant, mais c'est un esclavage quand même. Donc, toutes ces choses doivent changer et être devenir révolues. Nous devons créer un monde où ça, ils ne sont plus. Et ce n'est pas juste une question de l'environnement. Évidemment, l'environnement, il faut s'en occuper aussi, mais l'environnement va s'occuper de lui-même. Il faut s'occuper des êtres humains. C'est la priorité, c'est les êtres humains. Donc, c'est toute la civilisation qui est à changer, qui est à l'envers et qui c'est depuis deux jours, en fait. Et toutes les démarches pour régler ces problèmes, même s'ils sont bien intentionnés, ne fonctionnent pas. C'est à peine un plaster parce que la cause n'a pas été changée. C'est pour ça qu'il faut créer une nouvelle civilisation, car cela va nous obliger, en voulant créer une nouvelle civilisation, à considérer les choses comme un tout et à comprendre comment nous créons collectivement. Parce que si on est responsable, il y a une façon par laquelle les choses adviennent à cause de nous. Et il faut comprendre comment et les accéder, se les approprier. Il faut reprendre le contrôle de cette création collective-là qui produit les résultats qu'on voit. Donc, la prise de contrôle de notre autorité collective passe par l'unité, comme on a dit, et que on n'a jamais créé l'unité, et il faut reconnaître que nous ne savons pas comment faire. Comme on l'a dit, ce sont les individus, les citoyens qui doivent le comprendre, le vouloir et le créer. Donc, c'est à chacun de nous, faut créer une demande citoyenne pour l'unité, parce que ce ne sera pas facile, et ce sont les individus et les différentes positions qui doivent s'unir. Et quand je dis s'unir, je ne dis pas nécessairement changer ou accepter ou être d'accord. On est clair là-dessus. Donc, l'unité, ce n'est pas tous pareil. On n'est pas obligé de tous s'aimer, et entre guillemets, donc... On peut très bien vivre sur Terre avec des gens qui pensent complètement différent de nous et être en harmonie. C'est pas être tout pareil, de toute façon, ce ne serait pas vraiment agréable. La diversité, c'est une force. Donc, un des moyens que je propose pour nous aider à apprendre comment créer l'unité et à développer une science et un savoir-faire, c'est de créer des projets, ce que j'appelle des outils collectifs, qui, pour bien fonctionner, vont requérir que nous soyons unis. Ça prend l'élément unité pour que ça marche. Donc, en les créant et en les utilisant, nous allons devoir trouver des moyens de nous unir. On va voir comment c'est difficile, qu'est-ce qu'on a à apprendre là-dedans, et surtout, on va voir la force que l'unité a là, si on réussit évidemment à créer ces outils-là et à voir leur potentiel, leur pouvoir, en les utilisant pour... collectivement, pour créer ce qu'on veut. Le premier projet d'outil collectif que je propose, j'en ai déjà parlé un peu, est celui que j'ai appelé « Média unique ». Donc, comme on avait vu, les médias, c'est le plus grand pouvoir. Aussi, on a vu que les pouvoirs, comme les médias, la politique, l'argent, la religion, sont rejetés par beaucoup, car ils sont vus comme des sources de problèmes. Mais qu'en fait, ce ne sont pas ces choses comme telles qui sont problématiques, mais qu'elles ont été appropriées par des intérêts privés. Et cela, puisque nous, en tant que collectivité, nous ne sommes pas en mesure de nous les approprier. Donc, vu que nous ne sommes pas capables nous ne sommes pas organisés, nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas accéder au levier de contrôle. D'autres l'ont pris. On avait donné l'exemple de la finance. Évidemment, la finance qui est depuis quelques, disons, siècles, qui est gérée par, contrôlée, la création de l'argent est contrôlée par les systèmes bancaires, donc ce sont des intérêts privés. Et se sont appropriés ce pouvoir-là un peu à notre insu, mais en fait, nous les avons laissés et nous ne les avons pas repris. Donc, c'est en quelque sorte, c'est nous qui sommes responsables de les avoir laissés. Mais c'est la même chose pour tous les autres pouvoirs. Et ces intérêts-là, le problème, c'est qu'évidemment, ils ne sont pas en ligne avec nos volontés. Donc, ils peuvent, évidemment, ils ont un plan différent de nous. Quand je dis « nous », je parle de la majorité des êtres humains, là. Donc, on les rejette parce qu'on rejette les pouvoirs comme tels, comme on rejette l'argent, la religion, les médias. Mais il ne s'agit pas de les rejeter parce que c'est notre pouvoir, en fait. Donc, nous en sommes responsables, et c'est à nous de les réapproprier et de les utiliser à notre volonté. C'est ce qu'on va pouvoir faire, évidemment, si on crée l'unité et on s'organise en conséquence. Et donc, le projet Média Unique, il consiste à créer un média collectif en utilisant les éléments qui font la force des médias. Donc, on reconnaît c'est quoi, pourquoi les médias, c'est la chose la plus puissante. Et c'est les éléments que je vais nommer maintenant. Donc, évidemment, ça va prendre la forme d'un journal, mais c'est pas un journal qui va un autre journal qui va compétitionner, si on veut, avec les autres, ou tous les journaux, les médias qui existent, en ligne ou pas, officiels, plus conventionnels ou plus alternatifs. Donc, c'est vraiment un outil collectif qui ressemble, qui est un journal, mais qui n'en est pas un, dans le sens que on utilise les éléments des médias qui font leur force. Donc, c'est quoi les éléments? C'est que, premièrement, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui portent leur attention sur un peu d'informations. C'est comme un laser, on concentre l'attention collective sur une petite quantité d'informations. Et ça se fait par le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de journaux, télévision, radio officiels, disons conventionnels. Comme par exemple au Québec, on n'a pas beaucoup de journaux et de magazines, etc. Donc parce que c'est la force, évidemment, c'est le laser. C'est aussi que beaucoup de gens portent leur attention sur peu d'informations, ça crée comme un laser. C'est un focus collectif. Donc, c'est un des éléments qui crée la puissance des médias. Et aussi, donc c'est en fait, c'est le plus important, l'attention. Et donc, en contrôlant le contenu de ce média, des médias, l'information, en quelle information il y a, évidemment, on contrôle le focus collectif. Et le focus, l'attention, c'est extrêmement important. Et qui décide de ce contenu-là? Évidemment, c'est dans les médias, c'est ceux qui payent, et ce sont les annonceurs. Qui sont les annonceurs? Ce sont les corporations, donc c'est encore les intérêts privés. Donc, le but, c'est d'utiliser ces concepts-là, non pas pour nécessairement remplacer ou compétitionner, mais créer un outil collectif. Donc, en fait, décider quel sera notre focus collectif en choisissant quelle information on va mettre dans notre média. Et comment ça va se faire? Et c'est là que le concept d'unité entre en jeu. C'est que, premièrement, je propose un journal physique, donc en format papier, mais c'est sur le web que ça va, que nous allons, les citoyens d'une collectivité donnée. Évidemment, ce journal-là pourrait être utilisé à tous les niveaux de collectivité, par exemple au Québec ou dans un niveau municipal, éventuellement au niveau mondial aussi. Mais prenons le Québec comme premier exemple. Donc, c'est sur le web que les citoyens, les abonnés, évidemment, qui vont financer en majeure partie le projet pour éviter que ce soit encore des publicités. Et donc, ce sont les citoyens qui vont se réunir pour proposer j'appelle les unités d'information, des articles. Donc, quel sera le contenu? Et c'est entre nous que nous devrons décider qu'est-ce qui sera le contenu du journal et dans quelle priorité, dans quel ordre, où ça va être placé, etc. Donc, c'est cet exercice-là qui va requérir, si éventuellement ça prend de l'ampleur, qui va requérir qui va être un défi et qui va nous permettre d'expérimenter l'unité. Parce que ça sera tentant, par exemple, si on souhaite que, évidemment, si ça prend de l'ampleur, ça a une importance, il y a beaucoup d'abonnés, si on veut, et qu'il y a des informations, par exemple, qu'on ne voudrait pas qu'ils soient, ou d'informations qu'on voudrait qu'ils soient et qui ne les sont pas parce qu'on faut réussir à s'entendre, ça va être tentant de créer d'autres médias ou d'autres journaux parallèles. Et de ce fait, on va détruire la puissance du projet. Donc, il faut réussir à choisir. Il faut que les citoyens choisissent de rester dans un seul projet. Et plutôt que de s'en aller pour satisfaire leurs besoins, si on veut, ou leur désir d'avoir une information présente, qu'ils réussissent à s'entendre avec les autres, malgré les divergences d'opinion. Donc, c'est cet exercice-là. Cette plateforme-là qui va nous permettre de voir que si, ben, en tout cas, les collectivités qui réussiront à développer plus d'unités vont réussir à créer le projet et cela va leur donner une force. Parce qu'évidemment, si on décide du contenu du média et s'il y a beaucoup de membres de la collectivité qui périodiquement reçoivent le journal et lisent, donc ça va, lisent les mêmes informations et qui ont choisi sur quoi on se concentre, ça, vous pouvez voir la force que ça pourrait donner à une collectivité. Et dans le sens qu'on va vraiment, il n'y aura plus de censure, et là, on va pouvoir utiliser ça comme outil de création collective. Donc en effet, je peux terminer en disant pourquoi je crois qu'il est préférable que le journal soit en papier, donc physique. Mais deux raisons principales. Premièrement, si c'est important, je crois que ça vaut le coup qu'on le mette en forme physique, et ça l'est. Et aussi, l'autre, c'est que si on observe la situation maintenant de façon générale, toute la résistance, on peut appeler ça comme ça, ou les projets, le moindrement divergent de la version officielle, se retrouvent tous sur Internet. Et à ce moment-là, il serait facile de les neutraliser tous en contrôlant l'Internet ou en tirant la plug. Et à ce moment-là, on se retrouverait démunis, puisqu'il n'y a pas... Ben, il y en a certainement un certain nombre, mais toutes les forces se trouvent à ce niveau-là. Donc, on a intérêt à développer des véhicules physiques à l'extérieur de l'Internet. Et donc, c'est une autre raison pour laquelle je proposerais d'avoir un journal sous forme physique. Et aussi, c'est plus visible. On peut le mettre sur la table, il y en a d'autres qui le lisent, tandis que sur Internet, c'est plus individuel. Donc, c'est un autre résumé du projet Média Unique. Et je crois que ce serait le premier qui serait le plus intéressant à mettre en branle vraiment dans le cadre de ce projet de Créons le paradis sur Terre. Donc, c'est à suivre. Je vais... une petite pause... Une petite pause musicale et je reviens, je vais terminer avec un bref exposé sur le pouvoir collectif. Et ça va être tout pour aujourd'hui, je crois. OK, on est de retour. Et maintenant, je vais parler du pouvoir collectif. Donc, la multiplicité des êtres humains et leur activité, leur savoir-faire qui s'accumule, crée un potentiel et un pouvoir nouveau, de plus en plus grand. Beaucoup plus grand que l'accumulation des pouvoirs individuels. L'exercice et l'utilisation, le contrôle des rênes, de ce pouvoir, où est-il? Les individus ont le contrôle sur leur pouvoir individuel via leur libre arbitre, qui est le siège de leur autorité individuelle et qui est aussi la source de toute autorité, car en fait, il n'y a que des individus. Mais le pouvoir collectif, qui peut le contrôler? Comment se prennent les décisions collectives par lesquelles s'exerce le pouvoir collectif? L'émergence de ce pouvoir plus grand ne peut être empêchée par les individus. Il est automatique. Il existe du simple fait de la coexistence de plusieurs personnes. C'est une force qui ne peut être enlevée. La question est comment la contrôler, comment l'utiliser, qui la contrôle et qu'est-ce qui est fait avec, quelles décisions sont prises et quels résultats cela produit. Donc le but, évidemment, dans ce projet d'élaboration d'un plan pour créer le paradis sur Terre, c'est de reprendre le contrôle de ce pouvoir-là pour créer le monde que nous voulons. Donc, c'est ce que je nous souhaite. C'est ce que je vous souhaite et je vous remercie beaucoup d'avoir été là, d'écouter. Et si vous avez des questions, commentaires, critiques, vous voulez participer ou suggérer des choses, vous pouvez le faire sur ma page Facebook Patrick Tétrault ou aller sur patricktetrault.com, ça dirige vers la page Facebook, je crois. Pour l'instant, c'est la meilleure façon de le faire. Ou sur le forum du site radioimpact.ca, un ou l'autre. Et je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Cherchez un livre original écrit par un auteur contemporain? Visitez les éditions Dédicaces. Que ce soit un livre numérique ou un livre papier, retrouvez nos livres dans plusieurs boutiques en ligne. Les éditions Dédicaces, pour un rapprochement entre les auteurs et les lecteurs, nous saurons vous satisfaire. Plus d'informations sur le site www.dédicaces.ca. Les éditions Dédicaces, des moments d'éternité à savourer.